les ai volés au bout de sel. Le chagrin ne me touchera pas, il ne me blessera plus comme avant. Et quoi que disent et pensent les gens, pour la première fois quelqu'un ne me quittera pas. Je ne suis plus seul et personne ne m'enlèvera l'amour, car j'avancerai pas à pas pour la première fois que quelqu'un a besoin de moi depuis longtemps. J'éliminerai les blabla n'écoutant que toi, ma colombe vient doucement vers moi, oui pour longtemps. J'éliminerai les blabla n'écoutant que toi, ma colombe.